les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le personnage principal, un personnage égaré, désorienté, qui s'évade sans aller nulle part. Hâbleur, vaniteux, ainsi l'avaient jugé ses camarades de classe, ainsi le jugeaient ses proches dans son état d'homme adulte. Et la femme du géographe, et Rosa Maria, paysanne analphabète. Une épreuve, un remords. Comment peut-on être portugais, si l'on sait que dans tout désir de gloire, qu'à l'origine de toutes les conquêtes maritimes, il y a l'amour de la faillite, et qu'être portugais, devenir portugais, c'est admettre que l'on est comme tout le monde, ou comme n'importe qui. En 1994 paraissait aux éditions Grasset « La mélancolie du géographe », roman de Brigitte Paulino Netto, adapté par son auteur, en dramatique pour France Culture, laquelle dramatique fut diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 octobre de la même année. Le hasard qui m'a fait rencontrer Morgado est le même qui m'a fait naître portugais. J'ai aimé ce hasard au moins autant que je l'ai détesté et j'ai versé sur lui mon sac de pierre. Sans voir qu'à le haïr, j'avais employé une ferveur égale à celle qui prédispose à s'incliner. La mélancolie du géographe de Brigitte Paulino Netto. Des années durant, j'ai initié tant bien que mal à la connaissance physique et humaine de ce pays où l'on prétend qu'Ulysse fonda Lisbonne. Mais je peux dire aujourd'hui que l'enseignement de la géographie ne m'aura peut-être servi qu'à poser cette question. Comment peut-on être portugais? Comment? Sans désespérer d'être à la fois l'héritier de l'épopée des découvertes et le contemporain de tous les serviteurs de la planète. Et si, pour un homme de sang-froid tel que Morgado, cette question ne s'est pas posée sans heurts ni sans révolte, alors, pour un homme tel que moi, il était prévisible qu'elle suscitât un sentiment de honte. De la honte, il est arrivé que j'en éprouve pour lui, qui abdiquait sa force, pour moi, qui ne suis que faiblesse. Rien ne va plus, messieurs, un instant. Chez un homme qui est en train de perdre, le sang-froid, c'est déjà marqué. Rouge impérément. Quand il perd des sommes considérables, s'entend. Morgado, il faut le reconnaître, a beaucoup tenu quand il a perdu. Les jeux sont faits, messieurs, s'il vous plaît. Rien ne va plus. Mais dans le cas de Morgado, le plus remarquable, c'est quand il est en train de gagner. Comme si gagner pour lui, c'était encore pire. Comme si gagner n'était chez lui qu'une autre manière d'accueillir le malheur. Reste qu'en dépit de cette disposition heureuse à l'endroit du hasard, l'épreuve du jeu, ça ne se compare pas à la malchance qui est dans le fait de croiser la femme de Manuel sur son chemin. La femme de qui? Mais du type qui est parti pour la France en laissant cette pauvresse analphabète seule à la métairie. Et Morgado qui tombe là-dessus en allant réclamer son dû. Une année de fermage envolée, perdu la maison, déglingué, les bêtes affamées, rien de semé. Maintenant, chez elle, il va tous les jours. Il n'envoie même pas l'intendant, il s'en occupe lui-même, personnellement. Même la nuit, c'est ce qu'on dit. Il débarque chez elle comme s'il s'en retournait chez lui. Une masure de pouilleux, et cette femme, le genre, il ne change pas ses draps. Il prend une chaise, il paraît. Il s'assoit, et des heures durant, lui, le séducteur, s'incline, le rhétoriqueur se tait, écoute, et boit ce portugais de cuisine juste bon à commander la mule. Messieurs, les jeux sont faits. Un jour, je finirai par comprendre comment, dans le même homme, le marin peut faire la paix avec le paysan, l'homme libre avec le prisonnier, celui qui cherche l'aventure avec celui qui veut épouser. Pour ça, moi, Olivera, je suis devenu géographe. Parce que le géographe est un personnage égaré. C'est celui qui ne craint pas de dire qu'il est désorienté, d'avouer sa prédisposition à partir sans se déplacer, à s'évader sans aller nulle part, à dire que, sans jamais bouger, il est perdu. Écoute-moi bien, Olivera, ce que tu dis là n'a pas de sens. Et pourtant, cette trahison de Morgado, c'est comme si elle n'avait été qu'un dénouement logique. Oh. Une trahison prévisible et, je dirais, quasiment espérée. Des bêtises, comme si tu cherchais à disculper Morgado. Ça revenait à dire que ta femme, tu la lui aurais toi-même donnée. Par-dessus le marché, tu lui serais redevable du fait qu'il ait bien voulu te la prendre. Je ne peux pas mieux dire. Aujourd'hui, peut-être parce que c'est une histoire ancienne, il me paraît que dans ma précipitation à confier cet amour à Morgado tout de suite, il y a l'obscur désir de m'en défaire. Oh. Dès le début, Morgado voit cela, il voit le projet amoureux qui se conçoit, il voit cette ambition de la conquête, l'entreprise qui vise à la mener à bien, et aussi, il en voit la défaite. Ce petit provocateur t'a toujours subjugué, son cynisme. Après une histoire pareille, comment est-il possible que tu puisses encore lui parler? Mais qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu cherches? Moi, un type me fait ça, je l'expose. Je n'ai pas de ces réflexes de Marlou, il le sait. De sa part, j'en ai vu d'autres. J'en ai entendu d'autres. Tant de fois, je l'ai escorté. De toute façon, ta femme, pour lui, ça ne faisait pas de différence. C'était comme une autre. Excuse-moi de te dire ça. Mais à peu de choses près pour lui, ta femme... Tiens, c'est comme cette paysanne, la femme du métayer qui loge chez lui sans frais. Il paraît que maintenant, c'est chez elle qu'il va tous les jours. Chez une analphabète. Ça n'est pas comme vous pourriez le croire parce que j'aurais décidé de l'absoudre ou parce que, l'ayant compris, je lui aurais pardonné. Alors c'est quoi ? Je voudrais savoir, oui, j'aimerais ce qu'il advient de celui qui, tel que moi, ne hurle pas avec les bien-pensants. Un pauvre type, celui qui, tel que toi, ne rougit pas de se montrer affable avec un scélérat, aimable avec un imposteur. Écoute plutôt, en admettant que je la lui ai donnée, ça n'est pas comme vous pensez, parce que j'aurais eu l'intuition que cette femme que j'ai aimée, je ne pouvais la satisfaire. Du reste, entre elle et Morgado, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est une histoire qui n'a pas duré, ça ne compte pas. Ce qui importe, c'est... Je n'ai pas pu. Je n'ai pu l'aimer qu'à distance, comme une chose déjà perdue. Perdue dans le temps ou perdue de vue. Morgado, au fond, n'y est pour rien. Ce loyer avait été fixé par votre père, Morgado. D'accord avec lui. Ils doivent régler une fois l'an. Admettons. Et maintenant qu'il est parti, le métayer, pour la France, vous vous présentez. Je suis l'intendant. Et après? Vous le réclamez à qui, le loyer fixé par mon père? Il n'est tout de même pas parti avec la terre, avec le bétail, avec cette ferme dont, par contrat, il a la charge. Sa femme, Rosa Maria, qu'est-ce qu'elle dit? Que voulez-vous qu'elle dise? Rien. Buté. Une mule. Les gens restent jetés dans le puits sans avoir rien dit. On ne laisse pas une femme comme ça toute seule du jour au lendemain. Il doit avoir eu ses raisons, le Manuel. Savoir pourquoi il l'a plaqué. Vous savez bien après quoi ces gens la courent. Ils pensent qu'ailleurs, la fortune, la renommée. Pour ces gens-là, l'émigration, c'est le meilleur moyen de ne pas rester fâché avec la terre. La meilleure façon d'y penser sans amertume. En attendant, la terre, ils l'abandonnent, avec les vieux, les femmes dessus. Des années que je n'étais pas allé. Or, vous le savez bien, vous... La terre réclame qu'on s'occupe d'elle, sérieusement, comme nous le faisons. Je pensais trouver sans trop de peine. Il n'y a plus d'hommes dans ce pays. Et puis je me suis perdu. Dans la Bible même, il est dit qu'il faut un homme pour couper le bois et puiser l'eau. Aussi, c'est le bout du monde. La route, depuis le temps, même pas carrossable, une galère. Quelle idée aussi de vous occuper de ça. Une promesse, Gonzalves, que j'avais faite à mon grand-père. Y retourner. Au moins une fois. Une fois? Ça ne veut pas dire tous les jours. Vous savez comment j'arrive. Avant même d'entrer dans la propriété, j'ai pressenti la catastrophe. Et puis cette femme, Rosa Maria, dans un désordre, un abandon de soi. À charge pour vous de fixer le délai. Après quoi, vous êtes dans votre droit. On expulse. Gonçalves, vous faites votre métier, vous le faites bien. Rien à dire. Seulement là, comment dire, cette métairie, c'était la maison de mon grand-père. Il est entendu que vous êtes déchargé de cette intendance. Du reste, vous avez assez à faire. J'aime mieux que vous savoir occuper avec les métayers qui marchent et les propriétés qui rapportent. Vous n'auriez jamais dû y aller. Votre mère avait raison. Toute puissante soit-elle et toute désireuse de faire que la réalité soit autre que ce qu'elle est, Gonsalves. Même ma mère ne peut pas faire que cette maison n'ait pas été celle de mon aïeul. Non. On ne prend pas de risque. Un doute quant à la réfrigération? On vend, peu importe. Combien de tonnes? Rappelez-moi, je vous enverrai les camions. Il est en face de moi. Bien sûr qu'il est d'accord. Le délabrement de cette maison. La négligence de cette femme, son dénuement, dans un premier temps, ça m'a mis hors de moi. J'aurais pu le frapper. Puis je me suis rendu compte, j'avais honte. Honte de quoi, bon Dieu? Vous savez sur quoi elle portait cette honte, Gonsalves? Elle portait sur la dissimulation de nos origines. Sur ce travestissement. À quoi, par exemple, ma mère s'applique pour faire croire que depuis toujours, nous aurions eu la jouissance d'une chapelle à usage familial, depuis toujours une bibliothèque, des draps de lin pur, des domestiques, toutes ces bêtises. Expliquez-moi donc, Gonsalves, ce qui vous conduit, vous, à sympathiser avec ça, avec ce traficotage. Vous qui savez qu'autrefois, chez nous, sous le même toit, les hommes dormaient avec les bêtes. Le seul reproche que l'on pourrait faire à votre mère est de vous avoir trop aimé. En quoi cela dut-il la conduire à nier que nous n'avons jamais été autre chose que cela? Marin ou paysan, c'est-à-dire homme de peu. Morgado était le plus imprévisible et le moins malléable d'entre nous, il était aussi le plus prometteur. Même au séminaire, les pères n'étaient pas dupes. Ils savaient parfaitement que la plupart d'entre nous renonceraient. La condition, c'était quand même que la rupture eût lieu dans les normes. Mendès, les maths, ingénieur. Cabrita, le sens de la propriété, notaire. Oliveira, aucun sens de l'orientation, géographe. Laisse donc Oliveira en dehors de ça. Au moins tout ça pour les pères, même en rompant avec le séminaire, c'était des choix qui avaient encore un sens. Mais qu'un type comme Morgado ait rompu pour devenir agriculteur, une boutade. L'arrivée de Morgado, rappelle-toi. 1. Il arrive en retard. 2. Le chapeau. Un faiseur, cette manie de la frime. Le chapeau, 5 minutes, il le garde. C'est le père Calvez, tu te souviens? Qui se précipite pour lui confisquer. Trop tard, 5 minutes, c'était suffisant pour qu'on ait vu le chapeau. Et la forte tête. Et l'envie de décapiter. De toute façon, il n'avait même pas besoin de chapeau, il était en deuil. Il avait le brassard et ça suffisait pour se faire remarquer. Puis son feu trop grand, trop noir. Qui portait ça, les aristocrates? Ou les paysans? Ah, tout de suite, on lui avait rien demandé. Il dit que le feutre, le brassard, le deuil, quoi, c'est son grand-père. Histoire de préciser que le grand-père, ça devait être quelqu'un. C'est ce qu'on a cru. Au réfectoire, quand il est arrivé, ils l'ont mis à notre table. Qui était, toi, non? Enfin, en tout cas, il y avait Cabrita. Et puis Oliveira aussi. Oliveira, tout de suite subjugué par le type. Tout de suite soumis. Nous, sur la réserve, évidemment. Alors? Alors, Morgado, il n'attendit pas d'être servi. Il prit. Nous, on était à la fin du repas. Et comme on avait toujours fait au petit séminaire comme chez nous, c'était la règle, on plantait sec, propre, la fourchette dans la croûte de pain, mis par en dessous, et dans la sauce, on plongeait, on tamponnait. On mangeait, quoi. Et je suppose que Morgado aussi prenait du pain. Et lui, c'était les doigts qu'il prenait. Il nous regardait et ostensiblement, il saussait. Il saussait, oui, comme nous, mais lui, c'était avec les doigts qu'il saussait. De toute façon, on l'avait détesté tout de suite. Son arrogance, son retard, son brassard, son feutre. On a surtout compris qu'on ne cesserait plus de le détester quand, ayant fini de saucer avec ses doigts, sur ce ton sentencieux qui m'exaspère encore. Et qu'il a toujours eu. Et il lançait, rappelle-toi, comment c'était déjà. Le coup de ses fourches doit-il encore blesser son corps déjà meurtri? Mâbleur. Fanfare. Imposteur. Pourquoi m'importe-t-il donc de conserver des liens avec Morgado, avec celui dont on disait tant de mal, dont on attendait le pire, qui avait nourri tant d'espoir, et au final, qui m'avait tant désespéré, parce qu'il avait rompu avec les siens. Il me paraissait que cette rupture, marquée du sceau de la mauvaise réputation et par conséquent vouée à la honte, avait parti lié avec le ciel. Cette chimère du sébastianisme, l'idée grotesque de ce roi qui du néant ressurgirait pour sauver le pays, qui peut croire en ces enfantillages? Il faut bien sortir de la conviction selon laquelle ce pays serait voué à la défaite. Cette névrose de l'échec, n'est-ce pas, docteur? Suzanne n'a pas tort. Après tout, le sébastianisme, c'est ça. Le désir légitime de retrouver la splendeur. L'époque où nous étions puissants. Moi, pour une fois, d'accord avec ma femme. Oh, merci, très cher. Et puis moi, je ne déteste pas cette idée d'un sauveur qui nous sortirait de la poisse. De l'étroitesse de ce monde. Votre mère a raison. Le sébastianisme, une chimère reconstituée d'après la légende. Et que faites-vous, mon cher Morgado, de l'adolescent roi? Le gracieux, l'infant de 16 ans qui chaque jour affronte 3 heures durant son maître d'armes. Le téméraire qui se rend à Bataïa exige qu'on exhume la dépouille royale de son grand-père et sollicite sa bénédiction. Une mascarade. Elle conduit le pays au désastre que l'on sait. La plus grande défaite qu'un peuple ait essuyée. Quand même, lecteur de Saint-Ignace qui avait fait vœu de chasteté. Vous voulez dire le déséquilibré, à qui la chasteté coûte peu. Oh, un beau personnage pourtant. Le plus romanesque que nous ayons eu. Olivera Martins rapporte qu'il s'enquiert près le duc d'Albe de la couleur de la peur. C'est beau, vous ne trouvez pas? J'ai toujours eu un faible pour ce jeune roi. Et même s'il est exact qu'à cause de lui nous avons perdu notre indépendance, vous avez raison, docteur. C'est un personnage de roman. Gaspard, le vin, je vous prie. Non, pas le Vidiguer, le Borba. Le misérable, l'imberbe, le roi vaniteux. Vous ne voulez pas voir. Le nerveux, le souffreteux. C'est rare, Morgado, de vous entendre si loquace. Comment avez-vous fait, chère Donia Isabelle, pour entretenir chez votre fils un tel cynisme? Rappelez-vous, c'est l'homme dont le règne précède d'un an la grande peste de Lisbonne. Mon fils, c'est aussi l'homme qui excelle à la cour. Qui embarque en pourpoint et dentelle. En campagne comme à la promenade. La couronne impériale qu'il projette d'étraîner à Fès et dont on imagine qu'il a fait l'essayage dès qu'une vitre fait miroir. Vous savez bien, Morgado, il y a ce goût du panache dans la jeunesse. Et d'une certaine manière, j'oserais dire que par certains côtés, le côté du panache, précisément. Vous lui ressemblez un peu à ce jeune roi Sébastien. Vous voulez dire avec le petit roux gâté de Vérole? La lippe inférieure des Habsbourg héritée de sa mère? S'il s'agit d'une tare. C'est transmis par la mère, n'est-ce pas? Comme pour les Juifs. Ça ne peut pas être le père ou le grand-père. Non, il faut que ce soit par une femme. Léonore, dites quelque chose. En tout état de cause, sachez qu'il aura eu en sa faveur toute la jeunesse portugaise. En quoi la jeunesse est-elle une valeur en soi? En ce qu'elle ne doutait pas de la victoire. Une vertu. La suffisance de la jeunesse. Des jurons, des bras d'honneur, voilà la vérité. La vérité, c'est qu'au moment de livrer cette bataille, au moment de donner l'ordre de l'assaut, cette chimère de roi aura failli. Où voulez-vous en venir? Ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est l'imposture qu'il y a dans le désir de la conquête. Compte tenu de la belle réputation de conquérant qui vous honore, et sauf votre respect qu'on doit à votre mère, ici présente, pardon Isabelle, d'évoquer devant vous ces frasques du fait de la jeunesse et de la bonne santé, j'imagine que vous pensez conquête amoureuse. J'y pense, en effet. Et vous avez raison. La conquête du pouvoir, la conquête du succès, la conquête d'un droit, d'un territoire, ce bas désir de la possession. Et pourtant, la conquête d'un cœur, d'une femme. Ah, mon cher. Oui, la même chose, toujours. Qu'entendez-vous par là? Dans tout désir de gloire, l'amour de la faillite, la pauvreté dans le talent, ce qui fait défaut dans le don, ce qui, sans se rendre toujours visible, marque les gens de ce pays. Ce pays dont je suis. Enfant, déjà, je parie que, transporté les yeux fermés en n'importe quel endroit de ce pays, je peux dire instantanément où je suis. Je peux dire qui, braconnier, montagnard, moine forestier, ouvrier agricole. Je peux dire maison de cantonnier, ferme, demeure, latifundia. Et je prétends faire mieux. En région de frontière, je peux dire, sans me tromper, où est notre bord et où notre côté. Pour cela, je suis devenu géographe. L'étude mère sur les semis. C'est lui, c'est Morgado qui m'a appris. Le premier, il est allé ratisser ça dans l'île de Faro. Et au début, les fermiers, ça les faisait rigoler, cette lubie d'aller ramasser les algues pour la terre. Bah maintenant, ça rigole plus. Tous, ils font ça. Hein, qui sait de quoi il parle? Le plus fort, c'est que ça vienne d'un type qui a fait l'école. Avec cela, en général, on n'apprend jamais rien. On exécute. La terre, ça les dégoûte de mettre les mains dedans. Morgado, j'ai remarqué, il pose les mains sur le tronc de ses arbres, comme moi sur le ventre des femmes. C'est ce que tu crois? La terre, au moins, il s'en occupe. Il a des attentions, des prévenances. Il aime ça. Tandis que les femmes, il prend, il jette. C'est pas faute d'avoir eu les plus belles, à ce qu'on dit. Les plus belles, les mieux dotées, les filles et les mariées, toutes, il les aura toutes eues. Morgado, il les tombait pendant qu'Olivera, celui qui est devenu géographe, c'était comme toi, l'apprenti. Oui, toi, tantôt. Quoi, moi? Il regardait faire. Mais ça va pas? Jusqu'au jour où la femme du géographe... Alors on dira comme on veut, mais la femme de son meilleur ami, surtout belle comme ça, éduquée... Et tout. On fait pas ça. C'est interdit. Quand même. Il doit y avoir quelque chose. Pas possible autrement. Le géographe, il a dû laisser faire. Je sais pas, moi. Comment ça, tu sais pas? Un type te prend ta femme et tu laisses faire. Et pire, tu le traites en frère, tu le défends. Tu continues à le voir? Morgado, de toute façon, même s'il est devenu riche, s'il a fait des études... Même si sa mère a des relations et des prétentions, on a commencé à dire que le Morgado, c'était couru. Tout le monde savait d'où ça venait. C'est vrai. Je l'ai connu, son grand-père. Une grande gueule, c'est vrai. Mais un brave type. Un type comme nous, un paysan. Il avait la petite ferme après le pont, à l'ouest, dans la direction de Lisbonne. Eh bien, la ferme du grand-père de Morgado, c'est justement celle où, dès qu'il est mort... Ils ont mis les métayers, le Manuel et la Rosa Maria. Avant que lui, le Manuel, avec l'idée que ça rapportait pas ce qu'il faut, il soit parti en la laissant là, toute seule. Et c'est là qu'il est retourné, Morgado, pour réclamer le loyer, l'autre mois. Et qu'il est revenu bizarre, avant de s'enfermer avec l'intendant. Il paraît que l'état dans lequel elle a mis ça, la maison, la terre, les bêtes, seigneur. Oui, ça a dû lui faire mal au fils Morgado quand il a vu ça. Moi, je m'en fous. C'est pas avec ces gens-là que je vis. Mais depuis le temps que je travaille pour eux, c'est vrai que pire réputation que cet homme j'ai jamais vu. Le docteur, il a même prévenu l'apprenti avant qu'il vienne. Le docteur, ça l'empêche pas de venir. Parce que pour ce qui est de la réputation, la mère de Morgado, elle sait y faire. Elle est comme il faut, les docteurs... Et Morgado, quand ils viennent, les docteurs, les ingénieurs, les professeurs, qu'est-ce qu'il fait? Il paraît qu'il fait le clown. Il entre avec ses bottes, bouseux, crasseux, son feutre amoché de paysan, comme s'il revenait du champ. Il fait ça chaque fois, il paraît, et il ne desserre pas les dents. La mère Isabelle, ça la rend folle, il paraît. Mais quand il était petit, je me rappelle, elle se vantait que lui n'aurait pas nettoyé une étable, qu'il aurait pas tâté l'œuf dans le cul de la poule. Pas qu'il était dégoûté, non, pas le genre. Mais pour elle, il était réservé, gardé pour d'autres tâches. Putain, elle a été gâtée. Et ce que dit l'intendant, c'est vrai? Que la mère de Morgado, l'autre nuit, elle a veillé jusqu'au petit matin, et qu'elle l'a vu rentrer le Morgado au petit matin, crotté. Ah oui, c'est vrai. Et qu'il aurait dit à Isabelle, à sa mère, il lui plaisait plutôt d'avoir à ses chaussures la boue du chemin qui conduit à la maison de cette misérable, de cette fille, logeant désormais sans frais dans la maison de son grand-père, dans la maison de son père, dans sa maison, à lui. Plutôt la boue du chemin conduisant à la ferme de Rosa Maria. Une fille comme lui, il aurait dit. Alors, l'apprenti, maintenant tu vois ce que c'est qu'un homme? Ce que c'est qu'un homme? Je n'ai jamais écouté Morgado que la nuit. Ce que Morgado raconte la nuit, c'est comme une fille dévêtue, une espèce de danseuse, porteuse d'un mystère, et ce mystère, pour autant qu'il est permis de ne pas reculer devant sa bouche édentée de folle, il est prêt de se dévoiler, aussi soudainement que dans une fable le crapaud promis à sa vérité première de prince désensorcelé. L'enfance s'accorde bien avec la nuit. C'est quoi ces photos? Fais voir. Mieux. Montre. Les souvenirs d'enfance ne conviennent qu'au bar d'hôtel, au bar de casino. Mais laisse-moi voir. Ils vont bien avec la bière, le vin, l'alcool. Antonio, la même chose, s'il te plaît. Et la désinvolture avec laquelle... Passer l'heure, un homme mûr parlant de son enfance peut se permettre de rappeler le cerveau. Montre Olivera, vas-y, passe-lui au géographe pour voir. Mais si elle est... Moi, je pense que cette question de l'enfance, comment dire, elle va bien avec ce pays. J'ai toujours pensé à cette analogie. Analogie? Enfin, c'est quoi cette putain de photo, là? Je pense, depuis toujours, que de l'enfance colle à sa géographie. Oh putain, regardez ça, pleine courte, pentes essoufflées, littoral comme une frange au front d'un garçonnet. C'est quoi ça, le Cap Vert ou l'Angola? Cet élan écourté de la terre, quelque chose du morveux, genoux cagneux, culotte courte, sa croissance arrêtée par l'idée que seul le chêne liège fournit la toise avec quoi ici on a pris l'habitude de mesurer l'homme. Putain, ces filles-là, quelque chose d'irrémédiablement enfantin. Tu jauges les seins, tu pèses, tu choisis. La photo d'une fille nue, c'est ça qui vous met dans cet état? Mieux que ça, Morgado, c'est une négresse très noire, très nue. D'ailleurs, un pays dont la langue ne peut pas se passer de diminutifs, si chargé d'affect qu'elle ne paraît faite qu'à l'intention des enfants, des femmes, des simples d'esprit, c'est un pays qui ne peut pas grandir. Les expéditions maritimes, c'était une récréation peut-être. Une langue insuffisante pour exprimer ce qui touche les hommes, juste bonne à demander du pain et du vin. Et cependant pour lesquels aucune autre n'est si exactement parfaite. Les expéditions maritimes, de quoi s'agissait-il, au fait? De gloire et de grandeur. On partait dans une coquille de noix. Et on partait à la rencontre d'un port. Qui n'est jamais que le port d'en face. Défaitisme. Haine de soi. On partait tête en l'air, on n'y comprenait jamais rien. Avec ça, sans le savoir, ce qu'on s'efforce d'obtenir, où qu'on aille, c'est que là-bas, un masque d'Asiate ou un masque d'Africain, c'est-à-dire un masque plus fort que le nôtre, puisse venir confondre notre physionomie de pauvre air, brouiller ce teint, dissimuler d'où l'on vient, égarer ça sous d'autres cieux, d'autres fortunes. Je veux bien, moi, brouiller mon faciès de portugais avec la petite, là, bien noire. Moi, je veux bien faire mon café au lait avec ça. Dans les îles du Cap-Vert, en Angola, au Mozambique, les négresses qui sont en âge de travailler au champ. Oui, celles qu'on voit le nez dans les barbes du maïs et la croupe relevée. Justement. Eh bien, elles se mettent à gonfler. Comment ça? Elles engraissent. Grosses, grasses, obèses. Elles deviennent énormes, oui. Et alors? Eh bien, cette enflure, mes amis, une enflure en quelque sorte préméditée, ce n'est que l'astuce d'un corps qui, se sachant désirable, n'est-ce pas, gonfle tout ce qu'il peut pour repousser l'homme blanc, le mâle blanc, pour le dégoûter, pour nous envoyer, nous, les mâles, les blancs, les portugais, au diable. Arrête ça, Morgado, on ne peut pas mettre du sentiment, là. Le type qui fait ça, il est baisé, c'est pas ton genre. Laisse. Admettons. Alors voilà, il y a la photo de la négresse. Là, on ne rigole pas, on ne regarde pas le torse nu. On ne voit pas, on n'est pas des hommes. Non, on s'épanche sur la misère du monde. On a des pensées de viol et de brutalité qui traversent, qui désespèrent. Il y a ceux que j'ai tués, il y a ceux que j'ai brûlés sans même savoir s'ils étaient morts. Il y a les ordres, il y a les cauchemars. On ne pleure pas, d'accord? Et après? Après, on est comme le géographe. On ne peut plus rire d'une photo. On ne peut plus bander devant une photo. On ne peut plus vivre. Ainsi, j'ai toujours agi avec lui. Forçant toutes mes répugnances du jour à céder devant l'intuition que ce qui s'avançait vers moi de plus terrible, de plus inaudible, de moins compréhensible, s'adressait la nuit à moi. La nuit ne m'aura jamais paru faite que pour ça. La femme du métayer, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui te prend, Morgado? Oh, tu réagis comme ça, Olivera, simplement parce que toi, tu n'aimes qu'en blanc. Un livre à la main. De ces livres où il est dit l'amour qui n'est pas payé de retour. L'amour inassouvi, l'amour inaccessible. Ne parlons pas de ça, tu veux? Ces livres où il n'est pas tant question de l'amour d'une femme que de l'amour de l'amour. De servitude, de souffrance et d'abnégation. Arrête ça, Morgado. Où les traits de la dame tiennent de l'or ou de Béatrice, de Pétrarque et de Dante. Pas de la réalité. Depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux paysannes? Autrefois, quand je voyageais, il y en avait qui me conduisaient à ma chambre, qui changeaient mon lit, qui blanchissaient mon linge. Servante, tu ne regardais même pas. Dont j'apercevais à peine la mine, au matin, quand elle pénétrait sans la moindre insolence dans la chambre obscure d'un hôtel de passage, à Porto, à Coimbra, à Lisbonne. Ça te plaît, tout ce qu'on raconte, ce qu'on invente? Elle allait droit vers la fenêtre, pour ouvrir les rideaux, pour arranger la table. Arrête ça! Pas la moindre crainte à entrer dans une chambre d'homme, pas peur de se montrer. Premier visage qu'un homme à jeun voit le matin. Partout pareil. Aucun intérêt. Du roman. Et quand il arrivait que telle docilité m'eût donné faim, et que je me risquais d'une main à tirer sur le nœud blanc de cet habillier de servante, je n'aurais jamais vu, en lieu et place d'un désir, que la seule obéissance dans le consentement. C'est quoi, au juste, cette Rosa Maria? C'est rien. Une épreuve. Je vais te dire, moi, ce que c'est. C'est le remords, ton inconséquence, ta légèreté. Cette femme est un obstacle sur quoi je bute. Tu plaisantes. Une épreuve. Oui. Un obstacle. Qui fait de moi un assoiffé, un va-nu-pied, un misérable. Un suicidé social. Intact la faim, le froid, la soif du misérable. Intact l'inquiétude du va-nu-pied. De nuit, c'est comme de fermer les rideaux, un lieu de résistance. C'est pourquoi, dans ces lieux douteux que je fréquentais autrefois, je descendais corps délié, poignets et genoux lâches, cherchant le naturel et, ce faisant, trouvant intuitivement quelque chose du mariole. Dispensé du sentiment de ridicule, débarrassé du fardeau de ma pudibonderie ordinaire, n'aspirant qu'à l'admission de ma personne comme un de la nichée. En fait, il faudrait pouvoir dire je suis portugais. Comme on dit, je suis déçu, je suis perdu, je suis inconsolable. N'est-ce pas, Olivier? Mendes a raison. Il n'y a qu'un géographe qui puisse, en connaissance de cause, dire qui nous sommes. Bon, allez, vas-y, descriptif de l'humain. On commence par le nord. Au nord? Les Celtes, les superstitieux, les mal bâtis de ce pays. Torse proéminent, volet pointu, aussi par la caillasse et les genêts. Je connais. Les cheveux drus, ternes, couleur indéfinissable, tête de fouine affinée par les marches dans le froid, la neige, le vent. Et la volonté de grandir un peu, de respirer hors le carré de la terre familiale, trop étroit pour les enterrer tous, le père, la mère, la ribambelle des petits-enfants. Maintenant, les orientaux, ceux du sud. Les mythomanes, les affabulateurs, ceux qui échafaudent de ces récits qui plaisent aux femmes avec des naufrages, des merveilles et des cruautés. Des hommes faits comme des bêtes et des bêtes avec des désirs d'hommes. Chez eux, on ne peut plus dire lequel du juif ou du mort aura pesé. Alors les portugais, c'est ça, pas un pour attraper l'autre. Pays à peine plus vaste qu'une chambre à coucher d'enfant. En forme de berceau, étroit comme un tombeau. On croit que la mer, c'est une soupape de sécurité, sans voir qu'on s'y retrouve comme la terre cloîtrée. Pas un Portugais croyant fuir son geôlier qui n'est échoué dans cette prison. Quand même, prendre la mer, c'est tout de même élargir l'horizon. C'est à l'inverse, prendre la mesure de l'étroitesse de ce monde. Si je comprends bien, ce pays, sa caractéristique principale, c'est son défaut de consistance. Pas possible de se dénigrer comme ça. À l'origine des conquêtes, de l'expansion maritime, il y a ça. Explique-toi. Sentiment d'incomplétude, d'inconsistance, de vacuité. Attention, Olivera. Cette humilité excessive est pareille à de l'orgueil. Pour nous, le drame a commencé précisément à partir du moment où on a cherché à être plus que ce qu'on est. On a quand même inventé le monde, non? Non seulement on n'a rien inventé, mais surtout la découverte qu'on a faite, c'est que partout ailleurs, c'est pareil. Comprends pas. La seule chose que nous ayons été capables de découvrir, c'est qu'à rebours de tout ce qu'on avait imaginé avant d'aller y voir, l'humanité n'est qu'un. Partout notre semblable et partout notre frère. Quelle horreur! Qu'ailleurs, le monstrueux n'est pas différent d'une autre. Oh, dans ce cas, mieux vaut rester chez soi, tout contre sa monstrueuse. Que l'expulsion des juifs, des maures, qui avait paru si nécessaire à la veille de ces découvertes supposées monstrueuses, ça n'avait servi à rien. Ça avait versé du sang et des larmes pour rien. Un gâchis. Tu veux dire qu'il nous a fallu ça pour admettre qu'on était comme les autres? Oh, pas pire, pas meilleur. Pareil. Exactement comme n'importe quel homme? C'est ça. Exactement. Admettre qu'on peut échouer sans cesser d'être un homme. Accepter d'être un homme du commun. De n'être que cela. Glorieux, peut-être, mais du seul fait d'être misérable. Devenir un Portugais. Autrement dit, n'importe qui. La mélancolie du géographe de Brigitte Paulino-Netto. Avec Maxence Melfort, Féodore Atkin, Jean-Pierre Malot, Albert Delpy, Jacques Leplus, Michel Chéniaud, Claude Boucherie, Robert Basile, Dominique Lacarrière, Rosine Favet, Marcel Tassimo, Marc Pierret, Stéphane Vasseur, Tugdual Rio. Équipe technique, Jean Frédérics, François Rivalan, bruitage, Bertrand Amiel, assistante de réalisation, Virginie Laval, réalisation, Jacques Taroni. Cette dramatique est l'adaptation du roman de Brigitte Pollino-Netto, La mélancolie du géographe, paru chez Grasset. Dramatique diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 octobre 1994 et que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture. Se vos chegam perceber, se vos chegam perceber.